Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue sur le podcast de Label Rock. Comme vous le savez, deux heures de son, pas comme les autres, en cette semaine qui commence le 21 septembre avec encore du lourd ce soir, beaucoup de nouveautés. Et puis on commencera à parler de la nouvelle saison, 11e édition, 11e saison pour les Mardis du Grand Marais. Et oui, ça s'approche. Ça veut dire qu'il y aura du lourd du côté de Riorges et qu'on va pouvoir de nouveau apprécier beaucoup de très bons groupes qui viendront du côté de Riorges. En attendant, on perd pas de temps, on commence cette émission. Direction Brooklyn, ce fameux quartier de New York où on va retrouver une des plus belles découvertes de cette année, les Drums. Premier album donc, sorti il y a quelques semaines de ça. Ça sent toujours bon les vacances et la pop indé sur ce premier essai. Et franchement, si vous n'avez pas encore cet album, eh ben je vous le recommande. Pour commencer cette émission, la pop new-yorkaise, donc avec des concerts. Ils seront en tournée en France le 4 novembre à l'Aéronef de Lille. Le 5 novembre, ils seront à la Cigale de Paris. Le 6 novembre à l'Olympique de Nantes. Le 8 novembre du côté du Bikini à Toulouse. Et ils termineront leur tournée le 13 novembre du côté de l'Espace Julien à Marseille. Tiens, on continue. On part du côté du continent sud-américain. C'est pas souvent qu'on y va là-bas. Surtout du côté du Mexique. On va retrouver un groupe mexicain qui s'appelle Chiquita Violenta, composé de Luis Armando, Eduardo, Esteban et Andrés, extrait de leur nouvel album, ça s'appelle Tres. Thank you. deux belles nouveautés pop rock pour commencer cette émission. Les Chiquita Violenta qui viennent donc du Mexique, hein, et je vous le disais, ils sont cinq. Luis, Armando, Eduardo, Esteban et Andrés. Nouvel album qui s'appelle Tress. On s'était écouté un extrait de cet album. Un titre qui s'appelait Super Cycle. Et puis à l'instant, des Canadiens, les Black Mountain. Nouvel album aussi, Wilderness Heart. Troisième album avec, c'est leur troisième album en 6 ans, hein, et comme toujours, on a l'habitude avec eux, c'est du haut de gamme. Là encore, malheureusement, un seul concert en France, ça sera le 4 octobre prochain à la Maroquinerie à Paris. Puisqu'on parle de concerts, eux par contre, ils viennent du Japon. Ils étaient en concert le 4 septembre dernier dans le cadre du Wood Tower Festival du côté de Lyon, un groupe qui s'est formé en 1985. Ils sont 9 japonais. Allez, je me lâche, c'est pas souvent que je peux parler le japonais, c'est parti. Nargo à la trompette, Masahiko au trombone, Gamo au ténor sax, Atsushi Yanaka du côté du baryton sax, Wichi Oki du côté des claviers, Tsuyoshi Kama, oula c'est dur, Kawa Kami, voilà, du côté de la basse, Hajime Omori du côté des percussions, Takashi Kato du côté de la guitare et enfin à la batterie, Kinichi Motegi. Un extrait de leur dernier album qui s'appelle Paradise Blue. C'est parti pour un petit peu de ska japonais, comme quoi il n'y a pas qu'en Jamaïque qui sait faire du très bon ska. Thank you. Label Rock. Label Rock. Électriquement. Très satisfaisant. Another voice in mind. Another voice inside. Speaking words to me. Making sound for my ears. I'm a mountain old and high. Sleeping under the moonlight. Cause you know I'm loose. As the sight of your heart is good to me, is good to me. My silent breathing in your heart is healing. There's no other way to get inside. Do what you like. Émission Label Rock, chaque semaine, deux heures de son pas comme les autres, avec une tendance pop rock évidemment, mais aussi la part belle aux musiques black, musique du monde, tient avec les japonais, Tokyo Ska, Paradise Orchestra, Paradise Blue, extrait de leur dernier album. Je vous l'ai dit, hein, vous avez été nombreux à les applaudir du côté du festival Wood Tower à Lyon, c'était le 4 septembre. Et puis, à l'instant, un extrait du nouvel album de Blondetto. L'album s'appelle Bad Bad Things, avec une magnifique ballade reggae, bercée par la douce voix de Indy Zara, la chanteuse en vogue qu'on ne vous présentera plus. Hein. Blondetto donc, à l'instant, avec Voices, et derrière ce pseudonyme emprunté au personnage évidemment de Steve Buscemi dans la série de Sopranos, se cache Max Guigui. Programmateur de Radio Nova à Paris, c'est son premier disque sous le nom donc de Blondetto. L'album s'appelle, je vous le rappelle, Bad Bad Things, et c'est un véritable concentré de black music. Ça va du reggae enfumé de la Jamaïque, en passant par le jazz ensorcelant de l'Éthiopie, la soul cuivrée de Brooklyn, le rap incendiaire de Cuba. Bref, vous l'aurez compris, c'est un savoureux voyage que l'on peut accomplir tranquillement, affalé dans son canapé, un Mac ou peut-être un petit Mojito, tiens pourquoi pas. Ça fait aussi très très bien l'affaire. Allez, retour du côté de la France avec un duo mixte formé par Armand Gonzalez et Virginie Pétavi, deux de l'ancien groupe de post-punk culte français Sloy. Ils enregistrent maintenant sous le titre 69, comme le chiffre, avec une musique qui évolue dans un univers qu'ils désignent même par l'expression Novo Rock. Chant, guitare, moog, guitare baryton et boîte à rythme minimisée, c'est ce qui vous attend sur ce premier album. Ça s'appelle Novo Rock, c'est parti, 69 dans Label Rock. The mind. Jackie. Label Rock. Thank you. quelques notes d'électro avec le projet français 69. Donc l'album s'appelle Novo Rock. C'était justement Novo Rock qu'on s'est écouté. Je vous rappelle, c'est un duo donc français avec des ex du groupe Sloy, composé donc par Armand Gonzalez et Virginie Petavi. L'album est disponible bien évidemment. Et puis à l'instant, un extrait du dernier album des Ecstatic, un groupe de musique électronique britannique formé par Stuart Warren Hill et Robin Brusson, duo emblématique du label Ninja Tune. C'est leur premier album sur, non pas sur Ninja Tune, mais sur leur propre label qui s'appelle Lower Level Records. L'album, lui, s'appelle Trailer Tracks. Dans quelques instants, on rendra hommage à Jimi Hendrix. Vous comprendrez pourquoi. En attendant, on retourne du côté des États-Unis avec Mark Lanegan et l'écossaise Isobel Campbell. Nouvel album pour cette magnifique collaboration. L'album s'appelle Oak et il est disponible chez V2. Un extrait tout de suite, ça s'appelle You Won't Let Me Down Again. Vous écoutez la Belle Rock, et bien c'est comme ça pendant 2 heures. You sold your soul when you drank the morning dew. Down on your luck and so thirsty through and through. Crack in the mirror tells of 7 years of pain. You won't let me down again. Drive through the night just to see the ocean green. Race to the coast, there's no telling where I've been. Both eyes on the road ahead, don't wanna look behind. And you won't let me down. 10 miles off the city, I lose you in the rain. So you won't let me down again. Aeroplane, aeroplane, race across the fields. Go, dynamite girls, the real world of me. La magnifique voix d'Isabelle Campbell qui se marie magnifiquement avec la voix grave de Mark Lanegan. Le duo donc Isabelle Campbell et Mark Lanegan, je vous rappelle, l'album est sorti chez V2, distribué en France par Coopérative, et l'album lui s'appelle Oak. Et puis à l'instant, un des événements de la rentrée, hein, évidemment, le nouvel album studio du groupe Grinderman, l'autre groupe de Nick Cave. L'album est sorti le 13 septembre dernier. Il y avait un single qu'on vous avait joué début septembre, et ben voilà, un autre extrait qui s'appelle Mickey Mouse and the Goodbye Man. Là encore une fois, malheureusement, une seule date de concert en France, ça sera le 26 octobre prochain du côté de Paris à la Cité de la Musique. Je vais maintenant vous parler de quelqu'un qu'on qualifie bien souvent de plus grand guitariste rock de tous les temps, un certain Johnny Allen Hendrix, né le 27 novembre 1942 à Seattle aux États-Unis et mort le 18 septembre 1970 à Londres en Angleterre, mieux connu évidemment sous le nom de Jimi Hendrix, génial guitariste, auteur, compositeur et chanteur américain, bien sûr fondateur du célèbre groupe anglo-américain de Jimi Hendrix Experience, un groupe qui a été actif de 1966 à 1970. Peut-être si vous lisez la presse, vous avez vu dans les kiosques mercredi dernier que Jimi Hendrix était justement en couverture du magazine musical Rolling Stone. C'était bien évidemment à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort. C'était la semaine dernière. Le magazine qui en profite justement pour revenir sur ses derniers mois, voire ses derniers jours, les thèses, les contre-thèses, les rumeurs autour de sa disparition prématurée. Mais après tout, qu'est-ce que Jimi Hendrix représente dans le rock aujourd'hui ? La réponse de Xavier Bonnet, journaliste à Rolling Stone. Il reste une des valeurs phares. Je pense que n'importe quel amateur de rock ou de guitare qui penche une oreille un jour sur Hendrix n'en sort pas indemne. Voilà, c'est justement parce que la carrière de Hendrix, c'est en fait 4 ans. Elle n'est pas abîmée par les substances, par le manque d'inspiration, etc., etc. Donc ça reste un personnage fascinant parce que, comme Kurt Cobain un petit peu, la période d'inspiration et de travail est super brève. Et que en plus, bah, pour Hendrix, pour le coup, il y en avait à loisir, puisqu'il passait son temps en studio. Dès qu'il avait 2 heures, c'était un studio. Et justement, l'intérêt du papier, c'est que ça revient sur la construction du studio, l'Electric Lady à New York, qui s'était fait construire. On explique qu'il a quasiment pas eu le temps d'en profiter, vu qu'il est mort très peu de temps après l'inauguration. If the mountains fell in the sea, let it be. It ain't me. White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They'll pursue my kind of drop and dive, but I'm gonna wave my freak flag. We'll be right back. just don't fall under me. Blow it on, Mr. Businessman. You can't dress like me. It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Yeah. Sing on, brother. Play on. Which titre donc pour rendre hommage à Jimi Hendrix. Je vous rappelle, c'était le 40e anniversaire de son décès la semaine dernière. Avec pour commencer If Six Was Nine, chanson écrite par Jimi Hendrix et enregistrée sous son groupe de Jimi Hendrix Experience. Une chanson que vous retrouvez sur le deuxième album du groupe Axis Bold as Love, qui était sorti le 1er décembre 1967. Et puis à l'instant, Highway Chili sur le premier album. Jimi Hendrix, donc génial guitariste et superbe auteur, compositeur, avec une influence qui dépasse bien évidemment largement le cadre de la musique rock, puisque la plupart des styles musicaux qui se sont développés dans les années 70 ont repris certains éléments de sa musique. Je pense notamment à des gens comme Miles Davis, qui en a profité lui aussi dans les années 70 pour jouer un jazz un petit peu plus électrique et certainement très marqué par le guitariste. Voilà, Jimi Hendrix à l'honneur dans Label Rock. Allez, on continue avec du bruit, mais on revient dans les années qui nous concernent, en 2010, avec toujours des Américains qui viennent de Floride et qui s'appellent Sly Bells, tout jeune duo qui s'est formé en 2008 et qui vient de sortir son premier album qui s'appelle Treats. Un extrait, ça s'appelle Tell 'em. Magic fountain. One died to the left of him, two went to the right. But he remained, he said he saw, he said he saw the light. And it was magic, fountain, magic, fountain, magic. Le jeune duo Sly Bells, donc formé en 2008, ces jeunes américains qui sortent leur premier album qui s'appelle Treats, un des grands rendez-vous donc de la rentrée. Puis à l'instant, on avait carrément parcouru l'autre côté de la planète avec un trio australien qui nous avait vachement plu. C'était en 2009, hein, je crois qu'il avait fait le top 10 de cette émission, de ce programme Label Rock. De retour, donc il s'appelle Art versus Science. On vous avait, voilà, c'était Parlez-vous français. Avec, sur lequel on avait complètement craqué, en tout cas les trois garçons qui viennent de finir leur premier album. Il y a un nouveau single donc qui s'appelle Magic Fountain qu'on vient de s'écouter à l'instant. Je vous ai promis en début d'émission qu'on allait de nouveau parler des soirées des mardis du Grand Marais, puisque elles sont de retour avec cette année la 11e saison, une saison qui sera lancée le 5 octobre prochain. Cette année encore beaucoup de styles musicaux à l'honneur, avec notamment du rock, du hip-hop, de l'électro, du punk, du funk justement, pour commencer avec la venue de l'anglaise Gisèle Smith, nouvelle sensation sur la scène soul funk. Elle vient de Londres et son groupe de Mighty Mocombos, lui d'Hambourg en Allemagne. Attendez-vous donc le 5 octobre prochain à un cocktail de Northern Soul avec un son deep funk puissant et efficace, avec un groupe composé de cuivre, guitare, basse, batterie, orgue et percu, et bien évidemment la magnifique voix de Gisèle Smith. Pure énergie, pêche vocale, du groove et de la sensualité qui s'entremêlent. Et bien la preuve tout de suite en musique, ça s'appelle Working Woman. To robbed of, lackluster, zoned out, run the round ball. Routine day, repeat in my plot. Ball plots, plot, then stop the sock out. Dance to the rhythm of a similar drum. Some never will admit about a Philip Sun. Numb to the point of popcorn, rock and sip. Firm CD, down low, cop quick. Loop slip, let loose on ego trip. Skill decrease, everywhere, emo kit. No plan for the future, leadership. Follow hollow dreams, model this dealer kit. Go pace, no destination. Go speed race, shake that mental patience. Stop war race, living like gold static. Had it credit from the wrong to both get. We can both let it happen anyway. Up anyway, the talk was an act with an acrobat. But to the enemy, never the friend of me handed off the land that I command is man in time. Like we demand this. Reset drop, now they want business. Kids turn tricks like Chris on Christmas. Crime on little bitches, gush out. Yo, what is this? Stand still, neutral, push the boat. MCs ain't teaching what push the dope. So now, don't got us on TV spoke. Filling up. Yeah, filling up the rap. Not a world thing, we gon' crack. Go look it now. I remember what it's all about, cause I am the new Billy Holiday, Cat Calloway, new Nina Simone, new Sly in the family stone, new 88 take, new experience, a new fate, new scenery and update. World but now, so little whistle sound, new sheriff in town. Y'all know what's up. Yo, T, hit him harder. In the lobby of physicians' voice, a needle in the fetal pad, a blend of distress. Distress tangles, frontline followed by divided relation woes. Early bird or guess, her first, fake face, shock and alarm. Hey, this is a situation, replacement if I get innovation. Bridge shouldn't be remaining, winging in name of taking blame. Come on, no sir. La black music à l'honneur dans la Belle Rock et à l'honneur de la nouvelle saison, la 11e saison des Mardis du Grand Marais. Gisèle Smith pour commencer un de Mighty Mocombos. Ils seront donc le 5 octobre prochain pour lancer cette nouvelle saison des Mardis du Grand Marais. Et puis eux aussi seront les seconds invités de la nouvelle saison des Mardis du Grand Marais. Ils viennent d'Orlando en Floride et ils s'appellent The Soliloquist of Sound. Ça sera le mardi 19 octobre pour une soirée hip-hop remplie de bon groove. On aura l'occasion d'en reparler bien évidemment dans ce programme. Tiens, puisqu'on parle de hip-hop, le retour du producteur américain légendaire DJ Shadow, qui a décidé de sortir progressivement les titres de son nouvel album et donc d'en proposer un aperçu. Il faut noter que le dernier album qui s'appelait The Outsiders remonte déjà à 2006 et que le nouveau est prévu pour 2011. Deux titres comme ça qui ont tourné sur l'internet, qui étaient gratuits, que vous pouviez télécharger. Je crois que malheureusement c'est terminé, mais pas de soucis si vous n'avez pas découvert ça. Et ben on est là dans la Belle Rock pour vous faire découvrir tout ça. DJ Shadow tout de suite, ça s'appelle I've Been Trying. Hi kitten, this one's for you. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. I've been trying to get you to love me. I've been trying to get you to care. Put forth a lot of effort, but I just don't seem to get nowhere. Yes, I'm in this. Hey, no message, ain't got no message. No message, no message, hey. No message, ain't got no message. No message, don't have no message. Say nothing, I am saying nothing. Say nothing, I ain't saying nothing. Say nothing, ain't saying nothing. Say nothing, I'm saying nothing. Rolling down the streets in my Kingfish, King Tubby on my woofer, yes I'm in this. Rolling down the streets in my Kingfish, Bob Marley on my woofer, yes I'm in this. Everybody wants to be entertained. Tell me how's it going? They all sound the same. Keeping hope alive. Yeah, yeah, yes, we can't. When I kill a man, he won't feel no pain. Musical gangsters, murderers. Probably you never heard of us. Whenever I am rolling up, they're getting nervous. Cause right next to the truth, they just looking so ridiculous. Had to start doing things myself, cause everyone else is fucking up. Rastafari on my woofers. Yeah, yeah, my woofers. Rastafari on my woofers. Yeah, yeah, my woofers. Rastafari on my woofers. Yeah, yeah, my woofers. The youths of today don't say nothing. Real gangsters press no trigger, we press button. Hey, hey, see the youths don't say nothing. Real gangsters press no trigger, we press button. Hey, rolling down the streets in my Kingfish, King Tubby on my woofer, yes I'm in this. Rolling down the streets in my Kingfish, Bob Marley on my woofer, yes I'm in this. Rolling down the streets in my Kingfish, King Tubby on my woofer, yes I'm in this. Rolling down the streets in my Kingfish. But Marley and my woofer, yes, I'm in this my thing. My woofers, yeah, yeah, my woofers. My woofers, yeah, yeah, my woofers. Rastafarian, my woofers, yeah, yeah, my woofers. Dans la Belle Rock avec DJ Shadow pour commencer I've Been Trying, extrait du nouvel album qui va sortir en 2011. Et puis au milieu, saucissonné comme ça, l'allemand Patrice, nouveauté chez Because, l'album s'appelle One, c'est vachement vachement bien, avec beaucoup de dates en France. On en retiendra quelques-unes. Le 24 octobre, il sera du côté de l'Aéronef à Lille, le 27 au Liberté de Rennes, le 1er novembre au Phare à Tournefeuille, le 3 novembre du côté de Clermont-Ferrand à la coopérative de Mai, le 4 novembre au Zénith de Saint-Étienne, le 5 direction le Sud avec le Doc des Suds du côté de Marseille, puis le 6 novembre au Zénith de Nice, retour dans la région Rhône-Alpes le 13 novembre du côté de Grenoble avec le Summum, le 14 on redescend dans le Sud avec le Zénith de Montpellier, et enfin une date du côté du Transborder à Lyon-Villeurbanne, ça sera le 15 novembre. Voilà toutes les dates évidemment sur son site MySpace, c'est www.myspace.com/patricemusic, music écrit à l'anglaise avec un C. Et puis retour aussi de l'anglais, Tricky, nouvel album qui s'appelle Mix Race, ça va sortir la semaine prochaine il me semble, fin septembre. Voilà, c'est déjà son 9e album et le 2e pour le compte du label Domino, un album enregistré à Paris, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la ville dans laquelle Tricky réside, et ceci depuis 2 ans. Encore une fois du très beau monde sur cet album avec de très belles collaborations, puisqu'on trouve Frankie Riley, la chanteuse jamaïcaine Terry Lynn, ou bien encore le chanteur culte de Primal Scream qui s'appelle Bobby Gillespie. Et je vous annonçais ça, ça c'est une excellente nouvelle, il y a quelques semaines dans la Belle Rock, apparemment Tricky qui serait en pourparlers de nouveau avec Massive Attack pour refaire un nouvel album. Ça, c'est des très bonnes nouvelles. Label Rock. Toute l'actualité des labels indés, pop, rock, électro, reggae, world. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur le blog de Label Rock hein, pour me demander des nouveautés électro. Bah tiens, un nouveau projet électro hein, qu'on vient de s'écouter en ce moment. C'est signé chez B-Pitch Control. Ça va sortir le 27 septembre et c'est un duo qui s'appelle Dance Disorder avec la barcelonaise Georgina Fernandez accompagnée de l'allemand Robin Crawford. Number Omix hein, prévu sur cet excellent maxi dont celui qu'on vient de s'écouter, signé Jérôme Sydenham. Et puis juste avant une des sensations du moment avec le duo new-yorkais The Hundred in the Ends, nouvelle signature chez Warp Records. L'album s'appelle tout simplement The Hundred in the Ends. Il sera disponible chez Warp à partir du 27 septembre et ils seront en tournée française avec quelques dates, 5 dates pour être précis, le 5 novembre à l'Astrolabe d'Orléans, le 6 du côté de Bordeaux au Rocher de Palmer, le 9 novembre du côté de la Marquise à Lyon, le 10 direction Marseille au poste à Galène et enfin fin de cette tournée française du côté de Paris au Point Éphémère. The Hundred in the Ends, donc excellent album chez Warp Records. Et puis on avait commencé cette série de 3 disques avec bien évidemment les School of Seven Bells, les Américains, extraits du nouvel album qui s'appelle Disconnect from Desire. Je vous rappelle que cet album est disponible depuis mi-juillet. Les États-Unis justement, on y reste. Retour à un son plus classique dans la Label Rock avec un groupe américain de folk rock basé dans le Michigan. Il s'appelle Frontier Ruckus. Ils ont sorti cet été leur 2e album. L'album s'appelle Dead Moles and Night Falls, un extrait de cet excellent album avec un titre qui s'appelle Nerves of the Night Mind. Thank you. before we knew where to go and what to do. Wasted hours that you made new and turn into a life that we can live. Some cities make you lose your head. In the suburbs, stretched out thin and dead. What was that line you said? Wishing you were anywhere but here. You watch the life you're living disappear. Now I see we're still kids in Boston. To do wasted hours that you make new and turn into a life that we can live. Deux extraits des albums qui m'ont le plus marqué cet été. Les Frontières Rucus, groupe américain, donc je vous le disais, basé dans le Michigan, qui font du folk rock. Deuxième album, l'album s'appelle Dead Moles and Night Falls. Et puis, évidemment, à l'instant, vous l'aurez reconnu, Arcade Fire, hein, avec un extrait du troisième album qui s'appelle The Suburbs. Une date, hein, du côté de la halle Tony Garnier à Lyon, ça sera en décembre. On aura l'occasion d'en reparler dans ce programme. Ce programme qui touche à sa fin, et on va terminer cette émission avec un long morceau de 9 minutes signé par le groupe Harp. Enfin, quand je dis le groupe, j'exagère, car Harp, en fait, c'est juste une personne. C'est Alexis Georgopoulos. L'album s'appelle The Soft Wave, le groupe donc Harp, A-R-P. Il sera disponible fin septembre sur le label Small Town Super Sound. Ça sera distribué en France par La Baleine. Et franchement, si vous êtes fan du son électronique allemand des années 70, vous allez adorer aussi si vous êtes fan de Étienne Jaumet, hein, pour vous resituer un petit peu musicalement. Mais le mieux, c'est d'écouter. Voilà, 9 minutes de pur bonheur maintenant avec Harp. Ça s'appelle Pastoral Symphony, Dominoes Part 1 et Infinity Room Part 2. 9 minutes, je vous le disais, de pur délire musical. Voilà, c'en est terminé pour Label Rock. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Comme d'habitude, le mot de la fin, soyez sages, mais pas trop. Ciao, ciao.

Label Rock, 2 heures de son pas comme les autres.